il faut qu'il a son shabih bil mudaf ilayhi. On a pu voir que al shabih bil mudaf il est al anwa', soit c'est un ism fa'il, soit c'est un ism maf'oul. Non, ism fa'il, ism maf'oul, wa sifatu mushabbaha. Sifatu mushabbaha, on n'avait pas encore étudié cela, mais on a pu voir le ism al fa'il ou le ism al maf'oul. Non. Les amsela par rapport à cela, مثلاً يا طالعا جبلا يا طالعا جبلا تام فها هنا طالعا شبيبي المضاف. نعم. C'est quoi le حكم du المنادى المفرد العلم؟ Quel est le jugement du المنادى؟ Il est مبني في محل نصب. نعم. مبني في محل نصب. فنقول مثلا محمد محمد. Je veux l'appeler, je dirais يا محمد. يا محمد. خليل يا خليل. أحمد. Je reste comme cela. يا أحمد. إلى آخره. فاطمة يا فاطمة إلى آخره. فإلى مبني على يمبني على على حسب آخره إيه في محل نصب منادى. في محل نصب منادى. Le nakara غير مقصودة أو plutôt مقصودة. C'est quoi son حكم par rapport à l'arabe؟ نعم كذلك لا مش مستعمل. النكرة المقصودة حكمها حكم المفرد العلم. فتقول يا الرجل. وما معنى النكرة المقصودة؟ C'est un mot défini, mais on veut par le biais du nida le définir. كما قالوا كل اسم النكرة وقع بعد إحدى أحرف النداء وقصد به تعيينه. نعم سسا. النكرة غير مقصودة c'est l'inverse. الحمد لله. ونكرة غير مقصودة سلكية نكرة تم وقع بعد النكرة التي وقع بعد حرف النداء ولم يقصد به التعيين. تم النكرة غير مقصودة سقسم حكم منصوب. نعم تم. وكذلك لأنواع كفيف المضاف والشبيب المضاف تم كذلك يسون قوي يسون منصوب. فسيجمع مثلا جبل une personne. Un rijal, من الرجال je dirais يا رجلا. يا رجلا هنا ما قصده. يا رجلا كذلك مع المضاف يا عبد الله. وشبيب المضاف يا يا on avait dit je sais plus c'est quoi les exemples. يا طالعا جبلا. يا on avait évoqué quoi. يا فاعلا شرا ou plutôt يا فاعلا خيرا. On avait évoqué كذلك يا جميلا خلقه. نعم شفت كيف encore comme exemple tout ce qui tourne autour de cela. فها هنا كما لدينا المؤلف رحمه الله تعالى il a dit le reste. قال فالثلاثة الباقية منصوبة على غير. نعم ça c'était ce qu'on avait pu prendre dans le bab المنادى. On avait évoqué كذلك une faïda c'était par rapport à l'azul jalala. Par rapport à l'abdul jalala, l'abdul jalala, ismuhu Allah. On peut voir que ce ismuhu subhanahu wa ta'ala, l'abdul jalala, la yunada bil ahruf nida illa bil ya. Lorsque la personne yadou Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire ya Allah, même il ne peut pas évoquer un autre harf parmi les harf al-nida. Min al-harf al-nida, yal a, ya a, يا الواو إلى آخره. لكن dans ce double-là on peut utiliser que le ya. يا الله. تام. Tu ne peux pas utiliser un autre حرف من حروف النداء في لفظ الجلالة. نعم. Et كذلك on avait pu évoquer le عامل. La faïda à la fin du cours. ما هو العامل في المنادى. Certains ont évoqué que c'est un فعل qui est quoi مقدر. Et d'autres ils ont évoqué directement que c'était le حرف النداء. حرف النداء هو الذي يعمل في المنادى. Et c'est quoi le asah al-aqal fi hadhihi al-mas'ala? Est-ce qu'on dit al-munada il est mansoub bi harf al-nida ou bien il est mansoub bi fi'l al-muqaddar? Lequel des deux est plus sawab? De dire qu'il est mansoub bi harf al-nida, n'am bi harf al-nida, al-ya ou bien harf huruf al-nida. On avait évoqué le ta'lil par rapport à cela. Le fait qu'on est on a le choix entre deux choses. Certains des nuhas ils ont dit منصوب بالياء أو بين منصوب بحرف النداء. بدخل زندي منصوب بالفعل المقدر. الفعل qui est sous-entendu. لكن dans ce genre de situation on a pu voir que